C'est aujourd'hui une journée exceptionnelle puisque c'est mon anniversaire. Yeah! Et qui dit anniversaire dit cadeau. Et gâteau. Oh. J'ai donc décidé de m'offrir ma bio au Bifidus actif. Oh là là là. Pendant 4 minutes, je vais donc parler de moi. Oh. En l'occurrence, mars, avril et mai. Oh là là. Oui, je suis non seulement chroniqueur, mais également humoriste, comme vous allez bientôt le découvrir. Un petit teasing ne peut pas faire de mal. Donc, qui suis-je? J'ai donc 27, non, je suis né un 27 mai. Je ne vous dirai pas l'année, Léa, car moi-même, je ne la connais plus. J'ai tellement menti ces dernières années à propos de mon âge que j'ai eu mal à m'en rappeler. Je préfère vous donner une fourchette. Avec un couteau, vous pourriez vous blesser. Oh. Je vous avais prévenu, je suis rigolo. Je suis donc né entre, disons, 1950 et aujourd'hui. Comme ça, c'est plus simple et vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Ça permettra à certains de dire que je fais vieux et à d'autres plus jeunes que mon âge. Ce que je peux quand même vous dire, c'est que je suis né à Dunkerque. Mais ça, tout le monde s'en fout, sauf les Dunkerquois, qui ont prévu de m'ériger une statue place Jean Bar le jour où je serai célèbre. Car, et c'est bien là le problème, je ne suis pas encore célèbre. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. J'ai pourtant joué dans Le Petit Prince, réalisé par la grande Léa Marciano. C'est vrai. Oh. Ou encore fouler les planches du théâtre Le Bouffant en 3 ans, en compagnie de l'immense Thibaut Marchand. Oh, c'est vrai. Ouais. Et oui, eh bien, toujours rien. On ne m'arrête toujours pas dans la rue, sauf pour me demander mes papiers à un contrôle d'identité. Alors que s'est-il passé? Où ai-je merdé, comme on dit au théâtre? Comment se fait-il que Gilles Bottineau n'ait pas encore écrit sur moi? Ou que Florian n'ait jamais rien à raconter sur ma vie privée? Pourtant, tout avait bien commencé. J'étais un bébé joufflu qui faisait des grimaces, qui faisait rire sa maman. J'ai tout de suite conquis mon premier public. Je m'en voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom c'est Allais. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'aime beaucoup cette phrase. En plus, j'ai un vrai talent pour l'écriture. Qui ça, Aznavour? Je connais pas, je suis beaucoup trop jeune. Des droits d'auteur, vu ma taille, j'aurais pas payé grand chose. Ça suffit. Donc, tout allait bien, ma maman et mon papa riaient à ma première blague, mon frère aussi, sinon je le tapais. Puis, ça a été le drame. Marie-France Burnier, dont j'étais secrètement amoureux depuis la 2e section de maternelle chez Madame Révillot, qui se révèle complètement hermétique à mes premiers jeux de mots et qui, par contre, rit aux éclats aux blagues de Toto de ce balourd de Gérard Bellon, le fils du poissonnier. Et je commence à douter. Et si je n'étais pas drôle? Du coup, telle une huître, je décide de me refermer et de ne plus faire rire qui que ce soit, encouragé par mon frère qui voyait là une occasion de ne plus se faire taper. Je choisis alors de mettre mon talent, entre guillemets, au service de ceux qui ne font pas rire. La consécration, je l'atteins bien sûr, tout le monde le sait, ou pas, en écrivant le scénario des Visiteurs 3, qui n'a fait poirer personne. Faut dire que j'avais besoin de l'entraînement, parce que j'avais déjà écrit auparavant Les Visiteurs en Amérique, on ne change pas une formule qui perd. J'ai connu également le succès en écrivant l'histoire de Spartatouille, dont l'accroche était Ce soir, on se fait un grec, film réalisé en 2008 par Jason Friedberg et Sean Maguire et Carmen Electra. Film dont personne ne se rappelle, c'est normal, puisque personne ne l'a vu. J'ai aussi connu des échecs quand j'ai écrit le scénario des Dents de la Mer 4, Le Retour. Film qui était censé faire peur et qui a fait rire tout le monde. Côté spectacle vivant, j'ai également mon actif l'écriture des spectacles d'Arthur, de Patrice Laffont et de Julien Courbet. Bon, je me suis encore fait des amis, mais comme c'est mon anniversaire, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas aussi leur fête. Et puis l'autre jour, en passant devant la cour de récréation d'une école, j'ai repensé à Marie-France Burnier. Et j'ai eu subitement une folle envie de la retrouver. Rentré chez moi, j'ai cherché sur Facebook, Twitter, Instagram, rien. Puis je suis allé sur Copain d'avant. Et là, qu'est-ce que je découvre en photo? La grand-mère de Marie-France Burnier. Ah non. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre que c'était elle. Qui était en photo. Et non sa grand-mère, Floriane. Mon complet bleu, ça fait 30 ans que je le porte, et mes jeux de mots ne font rire que moi. Je cours le cachet, je fais du porte-à-porte. Pour subsister, je fais n'importe quoi. Mais un jour viendra, je montrerai. J'ai du talent. Merci. Bravo. Merci. Ouais.